Yeah. R.O.D. A6 Prod. Sincère connexion. Ouais. Pour les miens. Cette vie est rude, rend fou. Nous pousse toujours à bout tellement de gens aveuglés par le besoin d'avoir des sous. J'ai pris le mic, car ça me révolte et me rend fou que pour la maille. Certains boufferaient leur propre coup, alors je braille. Qu'un jour c'est toi qui seras à genoux, moi je nique la maille. Car c'est ce qui fait de nous des jaloux. Moi je veux rassembler les peuples, rassembler les cultures, rassembler les religions par le biais de mon écriture. J'ai jamais brûlé de voiture, encore moins joué au dur. Toutes les marques de ma figure viennent de ma littérature. Car finalement j'endors plus, j'écris mes textes sur instru. Mes vérités disent que beaucoup trop font du fric avec leur cul. Je m'en bats de sortir le carrosse. Écoute, anti beau gosse, pour savoir que je méprise le luxe et que j'aime pas les mercos. C'est que j'aurai jamais au boss, mais je dois quand même bomber le torse. Car pour mon rap, bien obligé de décupler ma force. Et c'est mon rap anti-maille, anti-strass, anti-paillette. Car j'emmerde ceux qui pensent nous mener à la baguette. Mais finalement, légalement, ces bâtards nous raquettent. Et rien m'empêchera de crier sur mes prochaines maquettes. Même fauché, souillé, fâché, R.O.D. ne rappera jamais pour la monnaie. Tu me connais, je suis posé. Dans mon rap, je me permettrai pas de m'y donner. Jamais accro au succès, présent sur le beat simplement pour innover. R.O.D., je m'en vas de la monnaie. Dans mon rap, je me permettrai jamais de m'y donner. Beaucoup de gens blindés de maille ont trop pris la grosse tête. Alors que pour faire vivre leur famille, certains doivent scribler de dette. D'une logique sans queue ni tête, criée par des faux prophètes. Certains jouent avec nos vies comme une petite fille à la dinette. Et certains trouvent ça normal que tellement de gens ont mal. Cette douleur vient simplement de l'obsession de la maille. Le fric fait toi un chacal et trop souvent tu t'emballes. Mais sache que la vraie richesse n'est sûrement pas dans la maille, mais dans les tiens, leurs entrailles. Ceux qui ont vraiment trop mal de voir que pour un paquet de fric tu vendrais même tes organes. Oh, s'il te plaît, mon frère, réveille-toi. Apprends à fabriquer ta vie sans jamais faire de faux pas. Les dollars ou les euros sur ma vie, j'en veux pas. Le but, rester soi-même, y'a que ça qui compte. Ton plus gros problème, c'est que t'as peur du monde. Pour traduire carpe diem, faut que tu goûtes chaque seconde. Même fauché, souillé, fâché, R.O.D. ne rappera jamais pour la monnaie. Tu me connais, je suis posé. Dans mon rap, je me permettrai pas de m'y donner. Jamais accro au succès, présent sur le beat simplement pour innover. R.O.D., je m'en vas de la monnaie. Dans mon rap, je me permettrai jamais de m'y donner. Je suis pas là pour le fric, mais pour l'amour du beat. Malheureusement, ça pousse trop de gens à venir lâcher leurs critiques. Des récits égocentriques, clamés par des hypocrites. Des gens vraiment trop sceptiques, en plus de ça, des racistes. Sache que je m'en bats de la thune, que le fric ne me mettra jamais la tête dans la lune, que j'aurai jamais des idées folles comme ma grande, dire les burnes. De toute façon, mes potes sont tous cloués sur ce bitume. Et sur ce même bitume, tellement de gens applaudissent de voir que pour un paquet d'une, des meufs écarteraient leurs cuisses. Regarde-moi ce monde, gouverné par l'argent, par la drogue et le sexe. Y'a plus aucun sentiment, franchement. Moi ça me donne mal au cœur de voir que tellement de gens ne reconnaissent pas leurs erreurs. Mon frère, tu sais que mon esprit est brailleur. Donc si t'as kiffé ce que j'ai dit, monte le son de ton haut-parleur. Même fauché, souillé, fâché, R.O.D. ne rappera jamais pour la monnaie. Tu me connais, je suis posé. Dans mon rap, je me permettrai pas de m'y donner. Jamais accro au succès, présent sur le beat simplement pour innover. R.O.D., je m'en vas de la monnaie. Dans mon rap, je me permettrai jamais de m'y donner. Même fauché, R.O.D. ne rappera jamais pour la monnaie. Tu me connais. Jamais accro au succès. R.O.D., m'en va de la monnaie. Dans mon rap, je me permettrai jamais de m'y donner.